rockets are flying. Signal distress over no man's land, with hopes they are feeding. Splatter and die in a leaden sky, the wounded resignation, the corpses on the wire. A frozen tableau flickers in the light. Flares are falling, chasing the shadows, nervous eyes huddled in silence, hugging the earth, biding time. Motionless as spiders caught out on a killing floor, muffled picks and shovels hold their still, praying for the darkness to return and hide the graves they are opening. The graves they are digging. Tears the wood asunder, shatters stumps of scorched and splintered trees, cowering in the mud within the roof's incessant thunder, tormented, shredded souls are torn apart. Deep beneath the surface, the chalk heals to the chisels. Bloody fingers tear the face away. Hollow in the chambers along the dark Stygian tunnels. Hooded candles light the specter's way. Dragons crawl the ridges towards the spires of new horizons. Plowing through the charnel pits and gall. Spawn of death's invention, a victory the burden. The promise stalls and wallows in the mire. High above the stage, a chorus of dark angels. A circus joins the theaters of war. The props are in position, the fuse is primed and ready. The wires pulse the signal, cue the mind exploding. Graves are open. Faces gaunt and grey, ghosts are gathering. The dance macabre, the hellish fray. Stuttering, relentless, break the lines. that gas that whispers in the confines of the trenches, to choke the life of those who dare to hide. Heaven up off this alley below. Heaven up off this alley below. Praying for the darkness to return. Praying for the darkness to return and hide the graves of the living. Of swirling snowflakes lay a shroud upon the ground, to a scarred and shattered landscape some brief dignity is shown, where the dead remain unburied on this dark and bloodstained earth. The fronts inch slowly forward, the battalions follow on. The new blood marches to the caisson song. Strangers fill the spaces, join the beleaguered rank and file, resigned to further battles further up the line. But the ground will be retaken, the offensives bogging down. Countering attacks, they stall and fail. The stalemate still continued, and the guns still took their toll, and the generals counted casualties as the soldiers vainly fell. Farewell to the lies we once knew. Farewell to our youth and our innocence. We march to a brave new world. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On démarre en fanfare avec Fish, A Feast of Consequences, son tout dernier album, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Moi, j'ai adoré. C'est un peu son The Wall. Hein, c'est un album simple, concept sur la Première Guerre mondiale. Il nous raconte que notamment son grand-père a fait la campagne de Somme, de la Somme. Donc c'est très très prégnant, c'est vraiment, et nous l'a interprété en concert donc quand il est venu au Ninkasi avec force, projection, diapo et autres. C'était vraiment vraiment superbe. Donc un album très très fort, un grand retour de Fish, un concert qui a été superbe même si malheureusement il y avait que 200 personnes. Faut dire que ce soir-là, il y avait aussi de la menace de neige. Donc ça peut expliquer cela. Le seul petit bémol à cet album, c'est qu'il est très chanté, il y a très peu d'instrumentaux. Donc quand on n'est pas anglophone, on peut peut-être être un peu perdu. Voilà, Prog à part démarre donc fort avec Fish et j'ai avec moi deux invités. Je m'en vais ouvrir les micros. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc Georges Marc du groupe Enéade. Mais oui, tout à fait. C'est bien moi. Et Jean-Louis... Le chauffeur. Le chauffeur, technicien. Le technicien et fan de l'émission qui vient depuis des lustres, comme on dit, chez Ikea. Et fan bon, d'Enéade aussi. Et fan yes. d'Enéade. Bon, Georges Marc, tu es venu... Pourquoi, là, à part que tu as vu de la lumière? Qu'est-ce qui t'a motivé? Raconte-tout un petit peu, nous. Et nous, bien. Tout. Eh bien, écoute, déjà, merci de me recevoir, enfin, de me recevoir au nom d'Enéade, puisque je fais partie du groupe Enéade depuis une vingtaine d'années maintenant. My pleasure. Oui, ça fait pas rire. En fait, plusieurs choses. On a une actualité assez intéressante avec Enéade, puisqu'on va être en concert le 11 avril. Déjà, première chose. Ensuite, on a d'autres choses qu'on parlera peut-être plus tard. Ouais, alors tu dis 11 avril, mais où ? Ah, mais ça, mais c'est à deviner, tu vois, figure-toi. Non, il faut être informatif, il faut dire le prix des billets, la location, etc. Allez, dis-nous. Eh bien, écoute, ça se situe à Vienne, à la Locomusique. C'est une salle qui est rue, alors je dois avoir l'adresse, 4 rue Joseph Martin, à Vienne. Ça se situe aussi, c'est marqué 25 rue de la Cocarde également, on a ces deux adresses-là. Mmh. C'est 5 euros la place et il y a deux groupes, puisque je viens parler aussi au nom d'une association qui s'appelle Astral Sound Corporation et qui a pour but de pouvoir monter quelques concerts autant que faire se peut avec des groupes qui ont rapport avec le prog. Et en tout cas, qui sont de consonance, tout ce qui fait sonner années 70. Donc ouais, c'est cool, c'est zen, il y a de la guitare, il y a du Moog, la batterie est cool. Et j'ai donc avec, on est 5 groupes pour l'instant qui sont partis de cette association. Il y a Earthscape, Mindless, Cloud Atlas et The Wildstones. Et il y a nous. Donc c'est un peu varié. Le but, c'est de pouvoir regrouper nos moyens et essayer de décrocher des dates là où c'est difficile de rentrer tout seul. On peut rentrer à plusieurs avec une affiche qui peut être colorée. C'est notre première date, donc la première date sous le nom de l'association, c'est le 11 avril à 19h. C'est un samedi, il y a deux groupes, il y a Earthscape et il y a nous, pour une longue soirée de prog. Voilà. Très bien. Cloud Atlas, ça me dit quelque chose. Il me semble que j'avais eu un contact par le papa d'un guitariste. Oui, c'est bien c'est possible. Des petits jeunes. Oui. Oui, oui. Pardon c'est des petits jeunes. Hein. C'est des jeunes, oui. Ouais, oui, bah. Ouais, ouais, ouais. Oui, on peut dire que nous, on est les anciens du gaz quand on va. on a eu une assemblée. Et puis alors, en plus, comme le prix du gaz baisse, je te dis pas. Non, mais c'est intéressant parce que ce sont des jeunes et bon, bah, on se revoit à leur âge. Hein. Ils sont plein de dynamisme, plein de peps. Ils ont une envie de se bouger. Il y a des techniciens son, il y a des techniciens lumière. Ils sont combien dans cette assos? Bah, pour l'instant, on est une quinzaine, on veut dire, divers et variés. Il y a deux ingé-sons, il y a des lighteux, Et puis il y a les groupes, bien évidemment, qui font partie de cet assaut. Le but, c'est de se donner la main pour pouvoir faire des concerts. On sait tous que c'est difficile de pouvoir faire des concerts. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de démarche, d'initiative et de mentalité où on se bouge et de façon collective. C'est tellement rare. Je ne te le fais pas dire. Bon, bah écoute, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Et vas-y, je t'en prie. T'es là. Et donc, pour en terminer sur Enéade, donc Enéade, on a fait donc deux albums, comme chacun sait, bien sûr, tout le monde est au courant. Premier album qui s'appelle Remembrance, qui est paru chez Musea en 2005, et un deuxième album qui s'appelle Teardrops in Morning Dew, qui est paru chez Galileo, un label suisse. En Suisse, oui. En 2011. Et nous préparons un troisième album où il y a beaucoup de matière. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'on a changé de registre en termes de chant. Christian, on a décidé de se séparer de Christian pour diverses raisons que je n'évoquerai pas ici. Et on a eu la chance de retrouver une vieille amie à nous qui s'appelle Mallory, qu'on a connue il y a 20 ans en arrière quand on faisait de la musique, très sympathique, et qui a demandé « Est-ce que ça vous gêne si j'essaye ?» Ben, on a dit « C'est parti, quoi ». Et ça l'a fait grave. Elle est prof de chant, donc c'est intéressant également d'entendre qu'elle peut donner dans un registre. Mais c'est très différent de ce que les anciens morceaux faits avec son chant, c'est assez différent. Et puis les nouveaux morceaux où effectivement les lignes de chant n'existent pas, ben là, elle se laisse aller, vraiment, elle part et elle est capable d'emmener des choses. Elle va nous faire ça, elle va nous apporter une petite touche de romantisme, de féminité, ou c'est plutôt guttural? Non, c'est... Non. Eh ben, je pose des questions. Hein. C'est non, mon non, rôle. Non. Je pense que ça sera effectivement de la féminité. Romantisme, peut-être pas forcément. On cherche un peu aujourd'hui l'image que ça peut donner. On essaye différents registres de chant. Ouais, romantisme, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais guttural, certainement pas. C'est pas la fille que j'avais vue au concert où vous étiez avec Nemo. Ça n'a rien à voir, ça. Non, ça, c'est Marion qui nous a quittés il y a un an maintenant. Il y a un an. Oui, à peu près si longtemps que ça. Non, elle a voulu faire autre chose en guitare. On ne se reconnaissait plus bien. Et puis, tu sais, nous, on est des vieux barbons. Alors, une fille de 20 ans avec des vieux barbons comme nous, si tu veux, c'est un peu compliqué. Et du coup, elle a voulu faire autre chose. Et puis, parfois, tant pis. Hein. Donc, on est resté à deux guitaristes. Voilà. Et alors, cet album, c'est prévu pour quand? Alors, pour l'instant, on a, je dirais, 40 minutes d'à peu près correct. Mais ce que je souhaiterais faire, c'est... j'aimerais bien faire, puisqu'on a deux facettes chez Enéade. On a la facette dark et la facette bright. Tu parlais de romantisme tout à l'heure. Et ce qui m'intéresserait de faire, mais ça prend du temps, et Dieu sait que les morceaux, quand ils font 20 minutes, pour les faire, c'est un peu compliqué. Et ce que j'aimerais faire, c'est un double album, bright et dark. C'est-à-dire que répertorier tout ce qui est un peu sombre et crimsonien sur la partie dark, et puis la partie plus folk, plus romantique, parce qu'on a plusieurs pistes qui sont parties sur ces deux créneaux, et c'est ce qui m'a donné cette idée-là. Après, il faut en avoir les moyens, il faut aller au bout, et puis il faut y aller, quoi. En développant les claviers, peut-être, un peu plus qu'avant? Les claviers, c'est plutôt les guitares sèches qu'on a développées. Ah, ouais. On a adjoint du Moog aussi, Moog Taurus, basse pédale. Et puis Julien est revenu dans le groupe en termes de bassiste, donc aujourd'hui on a toujours le stick. Le roi du stick. Pardon. Le roi du stick. Oui, c'est super intéressant. C'est vraiment un instrument qui donne à la musique. Je me souviens, il était venu ici, il était tout fier parce qu'il venait juste de l'acheter, etc. C'est vrai. C'est pareil pas. Ce qu'il y a d'excellent, c'est qu'on a beau avoir quelques années maintenant, on est toujours aussi émerveillé quand on entend un son qui nous transporte. On est toujours transporté, ce qui donne cette flamme. La passion. Voilà, et c'est vrai qu'avec le Moog, et puis Mallory qui arrive au chant, Christophe qui, à la guitare, se dote d'une 8 cordes, donc ça va risquer de donner. Tu vois, tu parlais de guttural tout à l'heure, on est aussi sur la 8 cordes, donc on est capable de descendre très bas en termes de... On voudrait élargir notre palette, et puis on a toujours nos guitares qui se répondent à la Crimson, avec des mélodies dans tous les sens, des sons tout bizarroïdes qu'on s'attend pas. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, nous, la musique, c'est d'être surpris, se dire, tiens, ça, je m'attendais pas à celle-là. Voilà. Le prog, quoi. Ok. Voilà. Je te propose de continuer donc dans la découverte des nouveautés après Fish. Abel Gance, un vieux de la vieille qui revient après aussi une histoire un peu chaotique. On va passer sur les divorces et les remariages au sein de la formation. Un album donc sorti en 2014 et qui a emballé plus d'une personne, dont moi le premier. Tout de suite sur Prog à part, Abel Gance. Drifting tide, it beckons you to take a chance as you gaze at the stars by the water's side. Do you take the plunge or simply trail your hand at the water's edge on the gently shifting sand? On a sunny day, do you grasp the dream held safe within your soul? Or let it fade like the melting springtime snow? Find yourself. Turn over to the page that makes most sense. An evening soaker to save for a heart that yearns for more. That burn. burned into your soul. Realize their goal. Those eyes that burn into your soul. Realize their goal. N'est-ce pas que c'est bien Abel Gance, Abel Gance, comme l'acteur. Donc, nouvel album de ce combo britannique qui date de 2014. On enchaîne tout de suite avec un musicien vraiment brillant. C'est la deuxième fois que je reçois ses œuvres. Il s'intitule, ce musicien, Indrek Pate, I-N-D-R-E-K. Plus loin, P-A-D-T-E, un nouvel opus donc, qui vient d'Estonie, ça vient de sortir, ça s'intitule « Thank and Share ». Et c'est bien une des devises de l'émission, remercier et partager tout de suite sur le 100.7, et c'est bien sûr Progapar. Thank you. c'est pas mal du tout non plus. C'est un petit côté Genesis, Yes, 70s. On va ouvrir les micros, on va demander à nos deux compères qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis, bon, on va continuer un petit peu la discussion sur donc, cette association, sur ces projets. Alors, une réaction à chaud déjà sur Abel Gance et puis Indrek Pate, ce qu'on vient d'écouter. Je pense que... L'Estonien, oui, moi j'aime bien, même si on a écouté un d'une oreille, on va dire quand même, parce que c'est plutôt une discussion à bâton rompu dans la salle. Mais ouais, j'aime bien, c'est quand même assez rare pour l'Estonie, petit pays, très peu de combien d'habitants, j'en sais rien. Le seul groupe que je connais, c'était Inspe, qui avait fait deux albums. Donc ouais, peut-être à réécouter plus au calme à la maison, hein, à Abel Gance. Ça surprend, il y a un côté un petit peu, hein, c'est un peu melting pot, hein. Mais le son est vraiment très très pur et il y a de la recherche. Moi j'ai bien aimé ce côté, justement, ce côté patchwork. Il y a un côté, un moment où ça tourne dans le folklorique, même irlandais. C'est ça, c'est le folklore. Mais, et puis après, ça redevient un peu plus genésicien et tout. Ils ont fait quand même la couverture de Quoi de Neuf, hein. Donc, bon. Notre ami Georges Marc, quelques autres précisions sur le futur immédiat, pas le futur antérieur. Non, parce que je serais incapable de te le conjuguer. Ouais, ça rappelle les souvenirs. Je me souviens plus ce que c'est. Encore pas si simple, on s'en rappelle, mais quand il est composé, c'est déjà pas plus comme... Bah, écoute, on risque d'être imparfait. Bon, allez, on arrête et puis on va revenir au présent, comme disait Roger Trigault, c'est ça, non ? Roger Trigault, tout à fait. Ah là là ! Nous avons eu l'occasion de voir de nos yeux à Bourgoin il y a déjà quelques années. Ils sont belges, je crois, non ? C'est belge, ça ? Oui, oui. C'est absolument fabuleux et je me lasse pas de regarder les... Alors évidemment, ça change de ce qu'on vient d'écouter. Hein. Ouais. Présent, c'est sûr qu'il faut pas écouter ça quand on déprime. Ou alors au contraire, faut écouter ça pas quand on déprime, ça fait remonter. Et comment tu les positionnes par rapport à Magma Alors, Présent, je crois que c'est plus symphonique que Magma. Il y a beaucoup moins de chants, il y a même très peu de chants d'ailleurs. C'est extrêmement instrumental et c'est de la symphonie glauque par excellence. Quand t'entends les titres, Promenade au fond d'un canal, Le poison qui rend fou, enfin bon, c'est oh là là. Ah ouais. Voilà, c'est comme Univers Zéro, c'est des choses à pas mettre entre toutes les oreilles. En tout cas, faut être préparé à écouter ça parce que... Ouais. Mais sur scène, c'est fabuleux, quoi. Il se passe quelque chose, c'est comme Magma, il se passe quelque chose. D'ailleurs, le dernier Magma qui vient de sortir au mois de janvier, qui s'appelle Schlachttanz, que je recommande à tout le monde, c'est un album où il y a un morceau qui fait une trentaine de minutes, mais une énergie, c'est la claque de chez claque. Ah ouais. Je ne me lasse pas non plus de Magma. Moi c'est pareil, je suis un fan inconditionnel. Et quand l'album sort, je l'achète tout de suite, quoi. Ben voilà. Et ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que c'est un groupe qui est très connu à l'étranger, enfin en tout cas... dans les milieux autorisés, comme disait Coluche. C'est-à-dire, effectivement, quand on parle de rock français... C'est qu'ils chantent en cobayen, donc ils peuvent chanter n'importe où. Oui, non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand on demande aux gens qui sont branchés rock de citer un groupe rock français, c'est le mot Magma qui vient sur la bouche, à la bouche de ces gens. Alors, il y a le cobayen, mais je pense aussi à l'originalité, quoi, le son. Pour moi, c'est de la musique intemporelle. Exactement. C'est intemporel et justement, c'est l'intérêt. C'est que tu écoutes des choses qui datent de 70 ou des choses qui datent de 2015. Ça prend une ride. Différence, quoi. Ça prend une ride. Si ce n'est le son, évidemment. Ouais. Mais il y a toujours cette pêche, cette énergie. C'est intemporel et c'est une musique qui touche l'essence directe. Article dans un groupe qui joue ses morceaux sur scène avant d'enregistrer. C'est-à-dire Schlachttanz, on l'a vu jouer il y a 5 ans à Bourgoin-Jallieux, je crois. Je sais plus. L'introduction du concert, c'était ce morceau-là. Il n'avait pas de nom, il n'avait rien. Et puis on l'a vu arriver il y a 3 mois ou je sais pas quand là. C'était ce morceau-là qu'on a reconnu tout de suite parce qu'il y avait une pêche incroyable, quoi. Je veux dire, c'est d'entrée la grosse claque, quoi. On n'a pas le temps de partir, on est déjà parti, quoi. Ils sont effectivement en tournée aux États-Unis, là. Ils sont partis aux États-Unis normalement, ou c'est cette fin de semaine. Puis après, ils vont aller au Japon. Ils font une date ou deux en Angleterre, je crois. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans Prog, donc la revue papier glacé distribuée en kiosque sur le progressif, hein, made in Great Britain, il y a régulièrement des articles sur Magma. chroniques ou compte rendu de concerts, quoi. C'est fabuleux. Alors nous, les franchouillards de base, on dit bah oui, c'est français, ça, c'est bien, c'est. Non, c'est pas français, c'est intemporel, c'est mondial, quoi. C'est une musique qui peut s'écouter n'importe où. Ça n'a aucune référence. Ça a des références avec toutes les musiques et ça n'a aucune référence non plus avec quelque chose de particulier. Donc, c'est à écouter. Les gens qui ne connaissent pas, ils sont surpris. Il y a un fan qui s'appelle Morgan Agreen. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Un batteur qui a joué avec... c'est un batteur qui joue du Zappa. Il joue avec Matt et Morgan. Ça me parle. Je les ai vus au Prog Sud. C'est la pure folie. Et puis il joue avec Fredrik Thordendal, le guitariste de Meshuggah. Ils ont fait un album qui s'appelle Sol Nega Within, qui est un album absolument fabuleux. Et ben, c'est un gros gros fan de Magma, fan inconditionnel, voilà. Enfin, je suis pas venu pour ça. Fait plaisir. Ça fait plaisir. Juste une petite anecdote qui me revient, ça n'a rien à voir, mais si c'est lié quand même. Lors du fabuleux concert de Ange, donc à Saint-Bresson, du côté de Vesoul, où j'étais présent, donc sur deux jours, où ils ont fait quand même 900 et 700 personnes sur deux jours. C'est quand même plutôt pas mal. Donc avec une reprise, réédition donc d'Émile Jacotet. Eh bien, le Père des Camps avait invité des amis, etc. Hein, donc Daniel Haas, Guénolé Bigère, Phil Hudenstock, dessinateur, voilà, plus aussi le fils d'Émile Jacotet. Et on a eu une projection d'une personne qui disait, voilà, je suis désolé, je suis un grand, grand fan. Mes premiers disques que j'ai achetés en venant d'Angleterre, ça a été Émile Jacotet. Et pour moi, ça reste une référence. Voilà, je vous souhaite un très bon concert et à bientôt. Ce monsieur-là, c'était Steven Wilson. Je peux vous dire que certains dans la salle, on a eu les frissons. Donc, message filmé et rediffusé pendant le concert. D'accord. Voilà, petite parenthèse. Bien, bien, bien, bien. Alors, votre honneur, autre chose. Donc, pour revenir très, très... On revient sur l'actualité d'Enea en ce qui nous concerne. Effectivement, on va, je sais pas si on peut appeler ça maintenant être un collectif, parce que on a un bassiste qui s'appelle Jean-Pierre, qui a joué avec nous, qui a décidé d'arrêter, puis Julien est revenu, mais on continue à avoir des relations avec Jean-Pierre. Donc on prépare le concert du 11 avril. On va faire normalement 2 heures de musique, la Loco Musique, le 11 avril à Vienne, avec Earthscape. Peut-être qu'on aura l'occasion d'écouter un petit morceau de Earthscape tout à l'heure. Mais on va aussi faire de la musique dans une pièce de théâtre à Charnay pour une troupe de théâtre qui s'appelle Les Gens de Charnay, qui vont faire une pièce de théâtre qui va s'étaler sur 6 jours au mois de juillet, là. Où Jean-Pierre donc va nous rejoindre à la basse. On va faire quelques morceaux et puis Charnay les Mâcon, c'est ça, du côté de Mâcon? Ah non, pas du tout. Charnay, le bled de Charnay, c'est où ça? Dans le Beaujolais. De Civrieux. D'accord. Le plus beau bled du Beaujolais en pierre dorée. Ah oui. C'est magnifique. Alors il y a un cadre naturel et puis donc cette pièce de théâtre, on va jouer les rockeurs de base pendant cette prestation et on fera le générique de fin. On va jouer un morceau d'Enéade, vraisemblablement Elements. On doit voir avec le metteur en scène pour savoir ce qu'on va jouer. C'est bien, excellent. On essaie de postuler à quelques festivals. Il y en a peut-être qui verront le jour. On va sans doute aussi organiser avec l'association Astral Sound Corporation, dont je parlais tout à l'heure, un concert au Château Saint-Anna au mois de septembre. Ah Château oui, je connais. que vous connaissez, monsieur Thierry. J'ai eu l'honneur de jouer avec Silver Lining là-bas. Bon, le lieu est un peu loin de Lyon, mais c'est vrai qu'il est intéressant parce que ça permet justement de pouvoir s'exprimer sans que ça coûte trop trop cher à des petits groupes comme nous. Et puis, la structure est sympa, on est bien. Que dire d'autre? Ouais, on aimerait bien faire d'autres concerts, mais pour ça, effectivement, le but de l'association, c'est de pouvoir monter une affiche et puis de se lancer auprès des salles en disant, voilà... proposez-nous une date à laquelle on pourra venir, on s'occupe de tout. C'est ça le principe. Ah, mais c'est bien, je trouve ça très très bien. Voilà, donc s'il y a des gens qui ont des groupes qui veulent nous rejoindre, il y a une page Facebook, hein, c'est Astral Sounds, avec un S à la fin. Il suffit de nous demander et puis on joindra avec joie, une petite cotisation modique, histoire de... Voilà, et puis ensuite c'est surtout beaucoup d'échanges et puis de mise en commun des moyens pour qu'on puisse les transports, aider au charriement des amplis, être en backline, enfin tout ce dont on a besoin que les groupes n'ont pas forcément pour les concerts, quoi. Ok, je te propose une dernière nouveauté. Après, on passera quelques extraits de tous ces groupes que tu as cités. Une nouveauté qui vient d'Allemagne, Crystal Palace. Avec un titre comme ça, on pourrait croire que c'est un groupe londonien, puisque c'est un lieu assez mythique au sud de Londres. Pas du tout. C'est des Allemands qui reviennent avec un album, moi, qui m'a vraiment emballé, The System of Events. Voilà, ça date de 2013, ça m'a emballé, mais j'ai mis un certain temps avant de vous le passer, mea culpa. Mais better late than never, Crystal Palace. Commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Donker Sol, 100.7. Bah dis donc, c'est pas mal du tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez mes compères? Eh ben ouais. Ah oui. Ah oui, ça le fait. Frisson même à la fin. Ah non, non, c'est excellent. Hein. S'ils nous écoutent, bravo. Hein. Georges Marc nous disait que c'était des jeunes, une vingtaine d'années. Une maîtrise et puis de sensibilité. Le frisson, quoi. Ça m'a, moi, à la fin, j'ai eu des frissons. Donc, on a entendu qui, là, Georges Marc? C'est Earscape. Earscape. C'est le groupe qui va jouer avec nous donc, le 11 avril à la Loco Music. Avec un morceau qui s'appelle Indiana History. D'accord. Donc là, il faut y aller. Hein, pour écouter Ennead aussi, parce que Ennead... Ennead, comme par hasard, c'est bien calculé, on va les écouter chose. Maintenant. Donc ça vous donne déjà une petite impression du concert, ça donne envie. Oui. Ah, Ennead, on est là, effectivement, on est dans un... On n'est peut-être pas forcément dans le même rayon qu'Escape, mais déjà, on sent la sensibilité intéressante. Quoi. Ouais. Oui. Donc ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Donc ce petit monde sera en concert donc à Vienne. À Vienne, à la Loco Music. C'est le 11 avril. Un d'accord. Samedi. Venez nombreux. Prix, la participation aux frais, la PAF, comme on dit. Je crois que c'est 5 euros qu'on a. 5 euros, ah, des dents. Je crois que c'est ce qui est marqué. Ouais, 5 euros. On va mourir pour ça. Et il y a un bar. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Ah, bah alors, fantastique. Bon, bah, je te propose, Georges Marc, je sais bien que tu n'aimes pas trop, mais un petit morceau d'Ennead quand même. On a trouvé un morceau pas trop long. Alors, c'est Jean-Louis qui va nous le présenter, puis c'est lui qui l'a choisi. J'ai choisi un morceau qui est le plus progressif de l'album Teardrops in the Morning Dew, qui est The Shape, je crois. C'est le morceau vraiment le plus progressif. C'est un morceau qui n'est pas chanté, mais qui est... La première fois que j'ai entendu, je suis tombé par terre, quoi. Et donc, il est fabuleux. C'est dommage qu'il ne joue jamais sur scène. Ça va venir. Il est prévu le 11, normalement. Alors on va venir, alors. Écoutez, je vous le propose tout de suite sur Progapart. Soit je suis sourd, ou alors j'ai tout compris, mais il y a quand même une petite influence de King Crimson là-dedans. King Crimson, bah oui, un petit peu quand même. On même beaucoup. On sent qu'il y en a qui aiment ce genre de musique hein, dans le groupe. Hein, ouais, ouais. Ouais, je crois que là, c'est peut-être les groupes qui sont universels chez nous. Peut-être moins avec Mallory, parce que Mallory vient du rock. Elle ne doit pas bien connaître tout ce genre de choses-là, mais c'est vrai que ça fait plutôt l'unanimité Crimson, parce que bon, c'est vraiment c'est universel. Ouais. Alors, pour signaler qu'ils ont sorti un album. Alors vas-y, oui, c'est ce que tu disais en off là. Ouais. Parle-nous de cet album et puis donc du concert en septembre. Oui, effectivement, King Crimson qui part pour une tournée avec donc trois batteurs. C'est très intéressant. Il y a trois batteurs, donc Gavin Harrison qui est le batteur de Porcupine Tree pour ceux qui connaissent. Il y a Pat Mastelotto qui était déjà dans Crimson. Et puis, il y a le batteur dont j'ai oublié le nom de Ministry qui joue aussi. Donc, trois batteurs sur scène. On a Mel Collins au sax qui était déjà entre 71. À l'origine. À l'origine. Mais pas tout à fait. C'était Ian McDonald à l'origine. Ouais. Il est juste après. C'était Mel Collins jusqu'en 74 où il était même plus marqué d'ailleurs sur l'album Red avant que Crimson s'arrête. Mel Collins au flûte et au sax, mais c'est fabuleux ce qu'il fait. Et puis, bien sûr, Tony Levin à la basse. Alors, contrebasse électrique, basse, stick, enfin, je ne vous fais pas de dessin. Que j'ai pu interviewer, rencontrer au Proc Sud, et c'est un garçon, mais d'une gentillesse, mais c'est hallucinant. Ouais, je l'avais vu quand il était passé avec Stickman en première partie de Porcupine Tree. Tony Levin, c'est une encyclopédie, cet homme-là. Donc, des monstres comme ça, ils passent les 21 et 22 septembre à l'Olympia. Il faut absolument aller les voir parce que bon, Robert Fripp, je pense que ça va bientôt finir par s'arrêter parce qu'il est quand même de 1946, donc ça va lui faire 68 ou je ne sais plus combien, à peu près. 67, il approche les 70, alors je ne dis pas que. Voilà, mais bon, je pense que ça va être compliqué pour lui de tourner maintenant, même si notre Johnny National a 70 ans, bien tassé, il continue à tourner. Et que voilà quoi. Donc, mais bon, et sur cet album, donc ils reprennent des vieux morceaux. Hein, ils les ont mis au goût du jour. Ils reprennent One More Red Nightmare, qui est sur l'album Red de 74. Ils reprennent Letters et Sailor's Tales, qui sont sur l'album Island de 71. Et puis ils reprennent Starless, évidemment, le magnifique le morceau monstre. Final de Red. Le meilleur morceau. Voilà, et donc c'est un vrai bijou cet album, il s'appelle Live at Orpheum, je crois. J'ai plus le titre en tête, malheureusement, je ne l'ai pas amené avec moi. Et King Crimson, donc sorti live en janvier. Voilà. Très bien, très bien. Et puis ben, dans nos contrées, il va y avoir Arena, si les gens connaissent Arena. Oui, oui, oui. Hein ? Alors Arena pour une tournée spéciale 20 ans, donc qui se balade en Europe, y compris la Grande-Bretagne, que je considère encore en Europe. Et donc ils font trois dates en France, hein, donc une à Paris, une à Toulouse et une chez Paulette, entre Metz et Nancy. Et puis Et Lyon, oui, ça fait 4. Oui, mais je suis fatigué là. C'est mes petits neurones qui commencent à fatiguer. Donc effectivement, Paris, Lyon, Toulouse et chez Paulette. Toulouse, je sais que c'est Window qui fait la première partie. Chez Paulette, c'est The No Name Experience. No Name, le groupe du Luxembourg. Paris, je ne sais pas. Paris, il faudra demander à Roger, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et Lyon, alors C'est Silver Hunter. Ah ouais, alors ça n'a rien à voir avec Silver Lining, encore que. Alors, explique un petit peu ce que c'est, ça. Alors, Silver Hunter, c'est un projet qui a été fait par Tim Hunter, qui est un guitariste anglais, qui fait des chansons prog, très douces, très calmes, prog pop. Oui, oui, mais il le revendique, hein, rock et, mélodique. Hein. Ouais, rock mélodique, très, très calme, très, très sympa. Et Thierry, votre serviteur, est aux backings, aux vocals et anime la soirée. Ouais. Et pour qu'on en parle avec autant de ferveur, c'est qu'on devrait logiquement faire les musiciens avec eux pour cette date qui aura lieu au Marché Gare, donc le 23 avril, Arena. Et donc c'est une date sympathique, on devrait se retrouver entre bons potes. À noter qu'Arena quand même est composée de Clive Nolan, qui est le clavier de Pendragon, pour ceux qui connaissent, et Mick Pointer, qui est le premier batteur de Marillion. Merci. Merci, il fait mon boulot, très bien, merci. Non, mais je suis un gros fan de Marillion depuis 83, quand mon frère m'a ramené l'album Script. Et j'avais trouvé ça excellent. Et depuis, j'ai toujours suivi la carrière et de Marillion et puis d'Arena, quoi. Donc, Je pense que ça va être un grand moment, en tout cas. Je pense que ça va être un grand moment, effectivement. Ouais. Marché-gare, donc, c'est la presqu'île, hein, c'est vers Perrache, c'est ça? Tout à fait, c'est derrière Perrache. Derrière Perrache. Bah, tout le monde connaît, ceux qui sont lyonnais connaissent le marché-gare, c'est sur la presqu'île. J'ai pas pris l'adresse avec moi. Mais de toute façon, lors de la prochaine émission, je reviendrai là-dessus, donc avec certainement des morceaux à vous faire écouter, puisque entre-temps, Silver Hunter, c'est un scoop, aura sorti son mini-album, qu'on présentera justement lors de cette soirée. Donc voilà, donc je pense que ça va être sympa, un mélange de Silver Hunter, un petit peu de Silver Lining, un petit peu d'Yam Tempus, un petit peu d'Enead, ouais, et beaucoup de feeling et beaucoup d'émotions musicales, en tout cas pour nous. Et on espérera que ça sera partagé, on fera tout pour. C'est ça, tout à fait, merci. On se dirige tout doucement vers la sortie du musée, Museo Rosenbach, groupe phare du prog italien. J'ai enfin pu mettre la main sur Barbarica, l'album de la reformation qui date de 2013, et je vous le propose tout de suite. Come se non ci fosse un Dio. businessman, a husband, a father, of course. Voilà, avec en fond sonore un petit hommage, un deuxième petit hommage à Edgar Froese de Tangerine Dream, qui nous a quittés donc le mois dernier. Fedra de 73, considéré comme son chef-d'œuvre avec Rubicon. Notre ami Georges Marc voulait faire qu'un petit post-scriptum. PS, pensez à prendre du pain. Non, pour devenir sérieux, même si c'est très bien, on parle beaucoup. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans cette émission, on s'évade loin parce qu'il y a de la bonne musique, on parle entre gens cool. J'aime bien, on est bien. On a le bonjour de Michel, hein, qui est un de nos auditeurs. Michel. Exact. Michel. Fidèle et favori préféré, qui a beaucoup aimé cette émission, à la fois par la programmation et puis pour tout ce qui a été dit, et notamment des petites initiatives de ce collectif de jeunes. Il m'a dit, ça fait du baume au cœur. C'est bien, c'est bien. Et c'est justement, effectivement, sur ce collectif, donc Astral Sound, que je veux terminer pour remercier Barry, hein, qui est cloué au fond de son lit, qui aurait dû être avec nous, mais qui est cloué au fond de son lit avec une bonne grippe. Donc il était bien désolé de pouvoir être là. Et puis Jean aussi, qui aurait bien voulu être là, mais qui a charrié du matériel pour un concert tout le week-end dernier et qui s'est cassé le dos. Et qui malheureusement doit se reposer aujourd'hui parce qu'il est vanné. Il a passé son week-end à charrier des affaires. Donc c'est des jeunes qui se bougent beaucoup, donc des gens à la production, des gens au light, des gens en musique. C'est pas que des groupes en fait. Et c'est très intéressant. Je voulais les remercier. Et puis voilà, tout simplement. Et puis remercier mes chers amis Thierry et Jean-Louis. Merci. De leur invitation. Merci à toi d'être passé. Jean-Louis, un petit coucou, un petit remerciement au fiston. Un petit coucou à tous les gens que je connais qui peuvent écouter l'émission, à qui je dis qui réécoutent souvent l'émission en podcast. Donc il y aura du podcast. Tout à fait. De haute qualité. Non. C'est vrai que tu as participé pendant de nombreuses années, on te remercie haut et fort pour justement l'aspect technique du podcast. Mais non, c'est mieux, c'est fait directement sur la console, donc c'est... HQ, mais bon, y a moins de tout le mérite problème. Te revenait, ainsi qu'à Olivier Sauce aussi qui était aux manettes, et puis même Jean-Louis Lopez qui avait mis de l'huile de coude. Il faut savoir que donc, c'est une émission qui, en podcast, a dépassé les 1500 connexions. Hein, donc, c'est vrai que ça marche bien. Hein, ça fait plaisir de savoir qu'on est écouté à l'autre bout du globe. Quoi. C'est le côté positif. On peut être le nez pour écouter l'émission. C'est en direct, maintenant, on peut l'écouter n'importe où. C'est le côté positif de la mondialisation. C'est vrai qu'avant, on arrosait que Lyon et sa région immédiate, jusqu'à Vienne... jusqu'à Villefranche-sur-Saône et Bourgoin, et puis maintenant, voilà quoi. Avec Internet, on l'écoute en direct n'importe où. On a, pour conclure, donc l'émission, ce sera le prochain, j'ai pas regardé sur le calepin, mais le premier lundi du mois d'avril. C'est le lundi 6 avril. 6 avril, merci d'être venu. Et puis on en parlait un petit peu, on commence à voir émerger l'affiche du Proc Sud. Qu'est-ce que vous avez pu voir? Moi, j'ai noté Locanda d'Elefate, qui est un groupe pour moi culte, assez proche de Banco dans la démarche. Delirium, qui est aussi un grand groupe des années 70 italien. H, c'est-à-dire le projet de monsieur Steve Hogarth. Ouais. Ça va être un grand moment. Tu me disais au téléphone The Watch, c'est ça? The Watch. What else? Baraka. Baraka, un groupe japonais, je crois. Oui, japonais, de hard rock 70s. J'aurais bien aimé Enead, mais je ne sais pas, peut-être. Ouais. Il y a aussi Telescope, comment il s'intitule le... C'est des Français, des jeunes Français. Je ne me rappelle plus du nom. Ouais. Je ne connais pas. On aurait dû regarder. J'ai regardé tout à l'heure en plus. Bon, on a regardé ce matin, mais. Un programme provisoire, hein, ça donne déjà un peu de. Il y a 7 groupes déjà de programmés, donc comme il en faut 9. On espère. On avait entendu des bruits l'année dernière, mais bon, on n'ose pas trop y penser. Hosanna. Ouais. Alors là, moi, s'ils sont là, je cours, je vole. Bon, j'irai quand même, mais là, encore plus, quoi. Mais bon, c'est des Napolitains, il faut venir quand même. Et ils sont quand même nombreux sur scène. Dont David Jackson. Le fameux David Jackson, ex-saxo de Van der Graaf. Mais il faut savoir que Ozana, bon, on parle d'Ozana, peut-être qu'ils ne viendront pas. Hein. Ozana avait déjà un sax tout au début, hein, dans les années 70, qui jouait avec deux saxos en même temps, comme David Jackson joue. C'est et les gars, en 71, ils jouaient déjà avec deux saxos en même temps. Ça pète, ça, putain, c'est excellent. Voilà, bon. Prions un peu, peut-être que Ozana viendra. Mais bon. Ozana, en plus, c'est une. Mais il y a déjà deux groupes italiens, ça va être peut-être. Ça va être, à mon avis, ça va être très très bien. Trois même. Trois groupes italiens. Trois groupes italiens. Non, c'est mort. Ça trois groupes italiens, je pense que. Non, ouais, ça va être compliqué, je pense. Ouais, à ce moment-là, on le fait directement à Naples. Sans... il faut regarder les DVD qui sortent, c'est déjà un spectacle à lui-même. Ouais, donc, Eneade, hein, ce serait bien. Ce serait pas mal. Ouais. Ah oui, moi aussi. C'est, comment il s'appelle, Carazzo On sait son prénom, déjà. Alain. Mais c'est Carazzo, pas, c'est pas le seul à décider, c'est un collectif, hein, donc ils sont plusieurs. Hein, oui, c'est hein. Pas tout à fait lui. Je sais que pour tout ce qui est italien, c'est lui qui pousse, de par ses origines, et surtout par son amour pour le prog italien. Oui. Hein, c'est un garçon qui me racontait que chaque fois qu'il allait en Italie dans les années 70 et 80, il faisait les petits disquaires des petites villes et il revenait avec des trésors. C'est sûr. Excellent guitariste. Ouais. Excellent, même plus qu'excellent. Bon. Bien, je crois qu'on a fait le tour de la question. Oui. Oui, il y a d'autres festivals de prog qui vont voir le jour dans la région. Mais... En juin, effectivement, donc du côté du péage du Roussillon, dans ces eaux-là, enfin sud de Valence, avec notamment Elora et Franck Carducci. Donc on reviendra en temps utile, c'est juin. Il y en a un dans le 70 aussi, je crois, en Haute-Saône, qui va avoir lieu. Ah oui, bah, avec Carducci mon également. Avec mon pote, je suis en train de chercher son nom là. Comment tu dis ? C'est un pote que je connais bien, qui nous avait fait venir avec en première partie de Range. Son nom est en train de m'échapper. Oui, oui, effectivement, il essaye de faire venir des choses aussi. J'ai vu ça, il faut que je fasse un listing. Et il y a Nemo aussi qui nous montre quelque chose, là. Donc, Jean-Pierre Louveton montre quelque chose au niveau festival. Téléphonique festival. J'ai vu ça. C'est prévu le 5 septembre. En bas, là, donc, dans le 43. Donc là, effectivement, c'est un festival pur prog. Donc, pour l'instant, l'affiche n'est pas connue. Donc on attend pied ferme de savoir qui va jouer. Si toutefois il arrive à monter l'affiche, parce que vous savez que c'est pas très simple à monter un festival, ça demande beaucoup de temps. Sachant qu'en plus Nemo avait plus ou moins dit qu'ils arrêteraient. Ouais, qu'ils mettaient la clé sous le paillasson. Là on sait pas trop ce qu'il en est. Une semaine avant il nous dit Nemo c'est fini, on arrête. Et puis une semaine après il nous dit je fais un festival prog. Vous pensez quoi? Donc bon, je pense qu'on verra sans doute Elora, Lazuli, Nemo, vraisemblablement. Je pense qu'il y aura au moins ces trois-là. Après, je ne sais pas qui pourra postuler. Wait and see, on attend. Bon, nous, évidemment, Enéade, on a postulé. Je ne voulais pas cacher. On espère aussi jouer là-bas. T'as raison. Puisqu'on avait fait, nous, on avait fait venir Nemo à Lyon, d'ailleurs. Eh oui, j'étais là, ouais. C'était Warm Audio, bon. On n'avait pas fait énormément de personnes, mais c'était pas mal. On avait passé du bon temps avec, avec les jeunes de Mobius et puis Nemo. Voilà, c'était une bonne idée, ça. À renouveler. Bien, les amis, ben, je vous propose d'en rester là. Hein, mais il est tard, monsieur, il faut que je rentre chez moi. merci pour votre visite. Et puis, suivant la formule consacrée, tenez tati, à que la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.